village de tous les coins. Il y a des mômes qui tendent la main et au l'avenir ne passe pas. La main au bateau.